بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد رأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحج بالجمع بين السفر أو بالجمع في السفر. On a vu lors du dernier cours ce qui est lié au jam fi safar, ce qui est lié au fait de regrouper entre deux prières durant le voyage. On a dit que le fait de regrouper deux prières peut se faire à un autre moment que durant le voyage. Et certes, je n'ai pas cité la maladie comme cause parmi les causes qui vont permettre le fait de rassembler entre deux prières. Et donc, on va le citer aujourd'hui. فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَذِنَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَجْمَعَ بِنَ الصَّلَاتَيْنِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes autorisé à la femme qui était touchée de métrorragie de rassembler deux prières. وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي أَيِّ مَرَضٍ أَصَابَ الْإِنْسَانِ. Cependant, il ne convient pas qu'on fasse cela pour toute maladie qui touche l'être humain. La Buddha an yakuna hunaka haraj. Il est impératif qu'il y ait donc une gêne. Il est impératif qu'il y ait une gêne par la cause de la maladie, et à ce moment-là, la personne peut rassembler entre deux prières. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah babu qasri as-salati fi as-safar. Ensuite, l'auteur rahimahullah, il nous dit le sous-chapitre concernant la diminution de la prière durant le voyage. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان. Selon عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, qui dit j'ai donc été avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم en voyage et il ne rajoutait pas plus que deux unités durant le voyage. Il ne faisait pas plus que deux unités durant le voyage. Ainsi que Abu Bakr, Omar et Othman. C'est-à-dire eux aussi. Donc je suis parti avec eux en voyage. Et eux aussi, ils faisaient la même chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فهذا الحديث فيه مشروعية القصر في السفر. Ce hadith contient le caractère licite, légiféré, de diminuer la prière durant le voyage. Et ceci est un sujet d'unanimité. Et certes, quand on parle de diminuer la prière, on parle de al-dhuhr, wal-asr, wal-isha. On ne parle pas du fajr, ni du maghrib. لكن العلماء اختلفوا في السفر الذي يشرع فيه القصر. Cependant, les savants, ils ont divergé concernant le voyage durant lequel il est permis de diminuer la prière. وقبل أن نذكر تفصيل هذا الخلاف سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى مسألة أخرى. Et avant de citer les détails de cette divergence, on verra un autre sujet, inshallah ta'ala, wa huwa hal al-qasr fi as-safar 'azimatun aw rukhsa. Cet autre sujet qu'on verra tout d'abord aujourd'hui, c'est est-ce que le fait de diminuer la prière durant le voyage, c'est obligatoire ou c'est une permission? Est-ce que c'est une obligation que nous devons accomplir, ou alors c'est une permission qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordée? Dhahaba Abu Hanifa rahimahullah ila anna al-qasra 'azimatun wastadalla bima akhrajahu al-imam Muslim fi sahihihi 'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala farada Allahu as-salata 'ala lisan nabiyyikum sallallahu 'alayhi wa sallam في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. Et donc l'imam Abu Hanifa rahimahullah, il voit que la diminution de la prière durant le voyage est une obligation. La diminution de la prière est une obligation. Et il s'est basé sur le hadith qu'a cité l'imam Muslim dans son Sahih, selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit: Allah a rendu la prière obligatoire par la langue de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui est résident 4 unités, durant le voyage 2 unités et durant la crainte, la période de crainte, c'est-à-dire ce qui est voulu par là, c'est le djihad, le combat, 1 unité. واستدل ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على الركعتين في السفر. L'imam Abu Hanifa, il s'est aussi basé sur l'acte du prophète صلى الله عليه وسلم, l'habitude du prophète صلى الله عليه وسلم, et le fait qu'il n'a pas délaissé l'accomplissement de 2 unités devant durant le voyage. Il ne faisait pas donc 4 unités. وذهب الجمهور إلى أن القصر في السفر رخصة وليست عزيمة. La majorité des savants, c'est-à-dire l'imam Malik, Al-Shafi'i, Ahmed, ils voient que la diminution de la prière durant le voyage, c'est une permission, mais ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que si tu es en voyage et que tu accomplis 4 unités au lieu de 2, tu n'as pas mal fait ta prière. Ta prière, elle est correcte. Ta prière, elle est correcte. Contrairement au madhhab de l'imam Abu Hanifa, qui lui voit que la prière n'est pas correcte. Si tu fais le zohr en 4 unités en voyage, chez l'imam Abu Hanifa, ta prière n'est pas correcte. واستدلوا بقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Et lorsque vous partez en voyage, alors nul reproche ne vous est fait si vous diminuez la prière par crainte que ceux qui ont mécru vous éprouvent. Certes, ceux qui ont mécru, les mécréants, sont pour vous des ennemis déclarés. فنفي الجناح عمن قصر دليل على أن القصر ليس بعزيمة. Et donc le fait que Allah a rejeté le fait que celui diminue la prière et lui soit fait un reproche, cela montre que la diminution de la prière n'est pas obligatoire. Il dit nul reproche n'est fait à celui qui fait ça. Et donc ça montre que ce n'est pas obligatoire, mais nul reproche ne t'est fait. C'est permis. وكذلك في تفسير هذه الآية فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر رضي الله عنه عن الآية المذكورة. Et aussi dans le tafsir, l'exégèse de ce verset, comme l'a cité l'imam Muslim selon Ya'la ibn Umayya, lorsqu'il a interrogé Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu concernant ce verset, il lui dit: Ara'aita qawla Allah falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru wa qad dhahaba al-khawf. Ya'la ibn Umayya, il dit à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu: Vois-tu la parole d'Allah, selon la traduction des sens rapprochés? Alors, nul reproche ne vous est fait lorsque vous diminuez la prière si vous craignez que les mécréants ne vous éprouvent. Et certes, il n'y a pas de crainte aujourd'hui, on n'a pas de crainte. Ça y est, il n'y a pas de guerre, on est ici, on est bien, on voyage d'un pays musulman à un autre, il n'y a pas de guerre. Et donc, est-ce qu'on peut quand même diminuer la prière? En fait, il voyait là que c'est un problème, puisqu'il nous a été permis de le faire si on a peur que les mécréants nous éprouvent. Mais c'est bon, on n'a pas peur, ça y est, on est en sécurité. Alors comment on fait? Omar, il lui dit, radiallahu anhu, فَقَدْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَأَلْتَنِي. Certes, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la question que tu m'as posée, et il m'a dit: sadaqatun تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. Une aumône qu'Allah vous a faite, alors acceptez son aumône. Les savants disent, cela montre que ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? C'est une aumône. Elle n'est pas obligatoire. Acceptez l'aumône venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. وكذلك استدلوا بفعل الصحابة لما كانوا مسافرين للحج على عهد عثمان رضي الله عنه صلى بهم أربعا. Et donc aussi, ils se sont basés, ces savants-là, la grande majorité, sur l'acte de Uthman. Lorsqu'ils ont voyagé pour le Hajj, à l'époque de Uthman, c'était Uthman qui dirigeait. Uthman, il a prié avec eux 4 unités. Au lieu de 2, il n'a pas diminué la prière. فَقِيلَ لِبْنِ مَسْعُودِ عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا. Alors il fut dit à Ibn Mas'ud, tu as blâmé Uthman. Uthman, tu l'as blâmé sur le fait qu'il a fait la prière en 4 unités et tu as prié toi aussi 4 unités. Comment ça? On est en voyage. Tu as blâmé Uthman sur le fait qu'il prie 4 unités et toi aussi tu fais 4 unités. Ibn Mas'ud, il dit Al-Khilafu Shar. La divergence est mal, est mauvaise. La divergence est un mal. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن القصر سنة وليس بواجب. Ça nous montre que les compagnons, ils voyaient que la diminution de la prière est une sunna, mais c'est pas obligatoire. Pourquoi? لا كان القصر واجبا متى بعث عثمان على ذلك. Si la diminution de la prière était obligatoire, il n'aurait pas suivi Uthman, même si c'est le gouverneur. Il n'aurait pas suivi Uthman dans le fait de délaisser une obligation. Et donc ils ont délaissé cela parce que pour eux c'est une sunna et c'est pas une obligation. Donc ils ont dit al-khilaf shar, la divergence est un mal. Et donc on délaisse cette sunna et on suit le gouverneur. Pourquoi? Parce que c'est une sunna. Par contre, si c'était obligatoire, il n'aurait pas délaissé l'obligation. La ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. On n'obéit pas à la créature dans la désobéissance au créateur. واستدلوا ايضا بان الرجل ان كان مسافرا فصلى خلف امام مقيم اتم الصلاه اربعا. Et ces savants là qui voient aussi que le fait de diminuer la prière n'est pas une obligation durant le voyage, ils se sont basés sur le fait que l'homme, lorsqu'il est en voyage, il est en voyage s'il prie derrière un imam qui est muqim, un imam qui est résident, un imam qui ne voyage pas. Cet imam va prier 4 unités. Cette personne qui est en voyage, elle va elle aussi devoir prier 4 unités. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a été interrogé concernant cela et il a dit « Tilka sunnatu Abil Qasim ». Il a dit « C'est ça la sunna de Abil Qasim. C'est ça la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Et donc ça montre que al-qasr, la diminution de la prière, n'est pas obligatoire durant le voyage. Parce que si c'était obligatoire, eh bien ce voyageur-là, il aurait diminué sa prière, qu'il soit derrière un imam ou qu'il ne soit pas derrière un imam. On lui dit, tu ne diminues pas ta prière. C'est obligatoire. فَالرَّاجِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. Et donc, excusez-moi la traduction, l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, dans ce sujet est l'avis de Al-Jumhur. C'est-à-dire que la diminution de la prière durant le voyage, c'est une sunnah. C'est-à-dire la diminution de la prière durant le voyage, c'est une permission. C'est une permission et ce n'est pas donc une obligation. ثم اختلف العلماء في نوع السفر الذي يباح فيه القصر. Ensuite, les savants, ils ont divergé concernant le type de voyage pour lequel il est permis de diminuer, de raccourcir la prière. Pour quel type de voyage est-il permis de raccourcir cette prière? فقال أبو حنيفة إنه يجوز القصر في كل سفر سواء كان سفر معصية أو سفر مباح. Et donc les savants ils ont divergé sur le type de voyage. L'imam Abu Hanifa rahimahullah, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, l'imam Abu Hanifa rahimahullah, il voit que il est permis de diminuer, de raccourcir la prière pour tout type de voyage. Que ça soit un voyage pour un péché, ou un voyage pour quelque chose qui est légiféré. Il dit c'est permis. Même si tu voyages d'ici pour aller à un endroit pour faire un péché, eh bien pendant ce voyage-là, tu peux diminuer les prières, inshallah ta'ala. Ça c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Wa istadalla بالنصوص بعموم النصوص أي أن النصوص التي فيها ذكر القصر لم تفرق بين سفر المعصية أو سفر المباح. Et donc il dit que les textes qui stipulent, qui citent la diminution de la prière durant le voyage, ces textes-là ne font pas la différence entre un voyage pour une cause légiférée et un voyage pour une cause interdite. Donc la diminution de la prière est permise. وذهب الجمهور إلى أن القصر يجوز لسفر مباح فقط. La majorité des savants, ils voient que la diminution de la prière est permise pour un voyage qui est dû à une cause légiférée seulement. Les savants, ils ont donné un exemple. Cheikh Arafat, il a cité un exemple. J'ai rigolé quand j'ai entendu l'exemple. Il a dit, exemple. Une personne qui voyage fi bilad al-kufr. Une personne qui voyage dans les pays non musulmans. Là, il y a juste le qasr. Il ne va pas, il ne fait pas le qasr. Il ne diminue pas la prière pour une raison non légiférée. Pour une raison non légiférée. Une personne qui voyage fi bilad al-kufr pour une cause non légiférée, là, il te dit, il ne diminue pas la prière. Quelqu'un qui voyage pour aller voler ou braquer ou autre, il ne diminue pas sa prière. Une année, j'ai été interrogé pendant Ramadan. Un père de famille qui me dit, ma fille, elle a un match à Strasbourg. Un match de football. Est-ce qu'elle peut diminuer la prière? J'ai dit, hein, ta fille? Elle a quel âge? Elle m'a dit, 16 ans. Ah, 16 ans, au football? Oui, c'est du football pour les filles. Ah, mashallah. Est-ce qu'elle peut diminuer la prière pendant le voyage? J'ai dit, là, abadan, elle ne diminue rien du tout. Elle ne diminue rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est un voyage pour une cause qui n'est pas légiférée. Pour une cause qui n'est pas légiférée. Leur preuve, c'est une règle qui est connue, qui est que la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala est utilisée pour une cause légiférée. Pas pour une cause interdite. La preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah faman idturra ghayra baghin wa la 'ad fala ithma alayh. Et donc certes il vous a interdit la bête morte et le sang, la viande du porc, et aussi ce qui a été égorgé, ce qui a été abattu pour autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Mais celui qui est forcé sans abuser et sans transgresser, alors il n'a pas de péché. Les savants disent, Allah tabaraka wa ta'ala a autorisé à cette personne de manger de cette viande de porc parce qu'elle est forcée, à condition que cette personne-là n'abuse pas. C'est-à-dire, on est là, on est dans le désert, il n'y a rien à manger, on va mourir. On demande à Yassine, qu'est-ce que tu as? Yassine dit, franchement, le seul truc que j'ai, c'est une boîte de porc et un kefir qui m'a donné avant le voyage. On dit, ma'alish, on prend. Pourquoi? Parce que là, il faut qu'on mange. Sinon, on va mourir. Taïb, mais c'est une grosse boîte de porc qu'il nous a donné, Yassine. Est-ce qu'on prend toute la boîte, on se remplit le ventre, ou on prend juste ce qui nous suffit pour avancer un peu, on va continuer à chercher plus tard? On prend pas toute la boîte. On prend juste ce qui nous suffit pour survivre et avancer. Et donc, c'est ça. Tu n'abuses pas et tu ne transgresses pas. C'est-à-dire que c'est pas, tu fais exprès pour manger la viande de porc, etc. Tu ne fais pas un péché. Et donc, la personne qui remplit ces conditions-là, il lui est permis de bénéficier de cette permission. La personne qui n'a pas réuni ces conditions, elle ne bénéficie pas de cette permission. Et donc, la personne qui voyage, même chose, si elle transgresse, elle ne bénéficie pas de cette permission de diminuer la prière. Et les savants voient que cet avis, c'est le plus juste, Inch'Allah ta'ala, et c'est l'avis le plus sûr aussi. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وجزاكم الله خيرا